manger du pâté. Du pâté végétal pour ne pas tuer d'animal. Du pâté végétal pour pas tuer d'animaux. Ce midi on mangera un bon steak de soja. Chacun s'embrassera et Guillaume restera. Bon, il est pas bien, je crois. Si, elle est bien.